28e nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Jonathan Bowley. Dinarzade, suivant sa coutume, n'oublia pas d'appeler la sultane lorsqu'il en fut temps. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie en attendant le jour de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. » Scheherazade, sans lui répondre, commença d'abord et adressa la parole au sultan. « Histoire de trois colondés, fils de roi, et de cinq dames de Bagdad. » « Sire, dit-elle en adressant la parole au sultan, sous le règne du calife Haroun al-Rachid, il y avait à Bagdad où il faisait sa résidence un porteur qui, malgré sa profession basse et pénible, ne laissait pas d'être homme d'esprit et de bonne humeur. Un matin qu'il était à son ordinaire avec un grand panier à jour près de lui, dans une place où il attendait que quelqu'un eût besoin de son ministère, une jeune dame de belle taille couverte d'une grande voile de mousseline l'aborda et lui dit d'un air gracieux « Écoutez, porteur, prenez votre panier et suivez-moi. » Porteur, enchanté de ce peu de paroles prononcées si agréablement, prit aussitôt son panier, le mit sur sa tête et suivit la dame en disant « Oh, jour heureux! Oh, jour de bonnes rencontres !» D'abord, la dame s'arrêta devant une porte formée et frappa. Un chrétien, vénérable par une longue barbe blanche, ouvrit et lui mit de l'argent dans la main sans lui dire un seul mot. Mais le chrétien, qui savait ce qu'elle demandait, rentra et peu de temps après apporta une grosse cruche d'un vin excellent. « Prenez cette cruche, dit la dame au porteur, et la mettez dans votre panier. » Cela étant fait, elle lui commanda de le suivre, puis elle continua de marcher, et le porteur continua de dire « Au jour de félicité, au jour d'agréable surprise et de joie !» La dame s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs, où elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, des coings, des limons, des citrons, des oranges, du myrte, du basilic, des lys, du jasmin, et de quelques autres sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. Elle dit au porteur de mettre tout cela dans son panier et de le suivre. En passant devant l'étalage d'un boucher, elle se fit peser 25 livres de la plus belle viande qu'il eut, ce que le porteur mit encore dans son panier par son ordre. À une autre boutique, elle prit des capres et de l'estragon, des petits concombres, de la persépère et autres herbes, le tout confit dans le vinaigre, en outre des pistaches, des noix, des noisettes, des pignons, des amandes et d'autres fruits semblables. En outre encore, elle acheta toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur, mettant toutes ces choses dans son panier, remarquant qu'il se remplissait, dit à la dame, « Ma bonne dame, il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau pour les porter. » J'en aurai beaucoup plus que ma charge pour peu que vous en achetiez d'autres. » La dame rit de cette plaisanterie et ordonna de nouveau au porteur de le suivre. Elle entra chez une droguiste où elle se fournit de toutes sortes d'eau, de senteur, de clous de girofle, de muscade, de poivre, de gingembre, d'un gros morceau d'ambre gris et de plusieurs autres épiceries des Indes, ce qui acheva de remplir le panier du porteur auquel elle dit encore de les suivre. Alors, ils marchèrent tous deux jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un hôtel magnifique dont la façade était ornée de belles colonnes et qui avait une porte d'ivoire. Ils s'y arrêtèrent et la dame frappa un petit coup. En se attendant, Scheherazade aperçut qu'il était jour et cessa de parler. « Franchement, ma sœur, dit Dinarzade, voilà un commencement qui donne beaucoup de curiosité. « Je crois que le sultan ne voudra pas se priver du plaisir d'entendre la suite. » Effectivement, Shahriar, loin d'ordonner la mort de le sultan, attendit impatiemment la nuit suivante pour apprendre ce qui se passerait dans l'hôtel dont elle avait parlé. Fin de la 28e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.